guerre vaut mieux 3 vrais que 300 faux poteaux. Y'en a beaucoup qui te la juste pour un tour de moto. J'suis un chien, j'faisais 5-5 à pas prenez le métro. Beaucoup manient le flingue et puis disent sans mandat de dépôt. Du design en promenade, qui rêve d'un vice de procédure. J'fais confiance, après on me lâche, c'est comme ça, ouais, gros, c'est dur. La tête m'aime tout si, on chute, j'me bousille. Ça va pas, j'souris. Elle te dit que tu es son baiser. Un peu d'alcool, elle fuit sa folle. Et avec ton pote, elle finit à bébé. Elle te jure sur sa mère, son père. Et même sur son pépé. T'as posé un point ce soir, t'as même pas vu cet été. Tête pleine, tête, elle aime trop le sexe. Mais y'a un petit complexe, elle aime encore son ex. Ça se met sous chichon, ça se met sous chichon. Ça se met sous Zublowska, mélange au Fanta citron. Ça se met sous chichon. Ça se met sous chichon, ça se met sous Zublowska, mélange au Fanta citron. Elle t'a nexté, vocifère, elle côtoie MZ, faire plombir. Elle t'a renvoyé un message, tu l'as insulté sa grams. Maintenant en traite, tu la pisses sur Instagram. Tu fais semblant de pas comprendre ou alors tu fais exprès. Et après quand je te parle cru, tu me fais le vexer. Je vis des potes se la mettre et après se faire la bise. On m'appelle le Gilles à l'aide, je vois tout quand je suis sous tis. Les salopes chroniques sa mère, ils se font rares les amis. Fais album, ouais, tous platine, j'ai pas encore vu Miami. Je viens d'ailleurs, bientôt le vélodrome. J'ai des valeurs, un petit bon garçon. Je viens d'ailleurs, bientôt le vélodrome. J'ai des valeurs, un petit bon garçon. Ça se met sous chichon, ça se met sous chichon. Ça se met sous Zublowska, mélange au Fanta citron. Ça se met sous chichon, ça se met sous chichon. Ça se met sous Zublowska, mélange au Fanta citron. Ça se met sous chichon, ça se met sous chichon. Ça se met sous Zublowska, mélange au Fanta citron. Ça se met sous chichon, ça se met sous chichon. Ça se met sous Zublowska, mélange au Fanta citron. Tête, tête, tête, elle aime trop le sexe.